Precious people. Précieux peuple. I'm talking about the door to rapture. Je suis en train de parler de la porte de l'enlèvement. I want to begin from Genesis 7. Je vais commencer à Genèse 7. Alléluia. Alléluia. Genesis chapter 7 verse 16. Genèse le chapitre 7 verset 16. On this door. À cette porte. Verse 16. Look at what he says here, somebody. Regardez ce qu'il dit ici. Again, Genesis chapter 7 verse 16. Cœur. Genèse chapitre 7 verset 16. The animals going in were male and female of everything as God had commanded Noah. Les animaux entrèrent, mâles et femelles, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Then the Lord shut him in. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Do you see the door of the rapture? Vous voyez la porte de l'enlèvement? Then the Lord shut him in. Et le Seigneur ferma la porte sur lui. Noah did not shut the door. Ça n'est pas Noé qui a fermé la porte. God turned around. Dieu est tourné autour. And shut the door. Et a fermé la porte. He brought my people. Il a apporté mon peuple. Some other people he created, he left out there. D'autres peuples qu'il a créés, il les a laissés en dehors. Same God created them. Le même Dieu qui les a créés. Do you understand me now? Vous me comprenez maintenant? God turned around. Dieu tourne là autour. And the Lord shut him in. Et le Seigneur ferme la porte sur lui. Because if Noah had shut him in, parce que si c'était Noé qui avait fermé, Noah would have seen, oh, that is Zachary. Nani, oh, we can share here. He gave us bread the other day when we had a guest. Oh, just allow only one. Please open for Zachary only. Noé pouvait avoir pensé, oh, c'est Zachary, nous pouvons partager ici. Il nous a donné du pain l'autre jour quand nous avions un invité. Oh, en permettre seulement un, s'il vous plaît, ouvrez pour seulement Zachary. He did not allow men to shut the door. Il n'a pas permis à l'homme de fermer la porte. Men would have been sympathetic. L'homme pouvait être sympathique, sympathisant. You understand? Vous comprenez? Do you understand what Isaiah saw? Vous comprenez ce que Isaïe a vu? And her slain she cannot conceal any longer. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. The blood that has dropped on her, the earth. Le sang qui a été versé sur elle, la terre. Will all now be disclosed? Her evil will come out. Veut maintenant être mis à nu. Son mal va sortir. Because the sinful one will be judged. Parce que celui qui pêche va être jugé. Tribulation. La tribulation. And you see here that God himself shuts the rapture door. Et vous voyez ici que Dieu lui-même ferme la porte de l'enlèvement. God himself. Dieu lui-même. I know every day you say, oh, me when I'm tired of things, I just go to Christ, I just be with him. Me, I just want to be with him. Chaque jour, vous dites, oh, je suis fatigué des choses, je veux juste aller à Christ, je veux être avec lui, je désire juste être avec lui. That day, he will shut the door. Ce jour, il va fermer la porte sur vous. You will discover another nature of Christ you have not known. Vous allez découvrir une autre nature de Christ que vous ne connaissez pas. Alléluia. Alléluia. If you read the book of Revelation I just read, it says, flames are coming from his eyes like swords. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse que j'ai juste lu, il dit, des flammes sortent de ses yeux comme des épées. That means you are now seeing another countenance of the Lord. Ça signifie que vous êtes en train de voir un autre visage du Seigneur. Another character of Christ. Un autre caractère de Christ. Alléluia. Alléluia. Listen to this. Écoutez cela. That door is open right now. Cette porte est ouverte juste maintenant. Ever since he sent me, it is open. Depuis qu'il m'a envoyé, c'est ouvert. Why wouldn't you enter? Pourquoi est-ce que vous n'entreriez pas? You have to enter now. Vous avez à entrer maintenant. If there is anything, any yeast, s'il y a quelque chose, s'il y a quelque levure that has been corrupting your walk with the Lord, qui a corrompu votre marche avec le Seigneur, this is the time to clean it out. C'est le temps de nettoyer tout ça. I like using Israel. J'aime utiliser Israël. Again, when I was in Israel, Encore, quand j'étais en Israël. You know, when God went to save Israel in Egypt. Vous savez, quand Dieu est allé sauver Israël en Égypte. He sent Moses, right? Il a envoyé Moïse, juste. And he told Moses. Et il a dit à Moïse. At the midnight hour, I will come. À minuit, à l'heure de minuit, je vais venir. You see that? Vous voyez ça? But how would they prepare? Mais comment se prépareraient-ils? They were supposed to get a lamb. Ils étaient supposés prendre un agneau. Exodus 12. Exode 12. Exodus 12, you can read, for example, verse 5, verse 7. Exode 12, vous pouvez lire le verset 5, le verset 7. Look at this. Regardez ça. Verse 5. Le verset 5. Exodus 12. Exode 12. The animals you choose must be year-old male without defect. Underline without defect. L'animal que vous choisirez sera sans défaut, mâle, âgé d'un an. Soulignez, sans défaut. They are to take some of the blood and put it on the sides of the doorposts and on the door frames in the houses in which they live. I want to live there. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Je vais m'arrêter là. And then down there, of course, they say bread without yeast. Eat it roasted. Eat bitter herbs. Et ensuite, plus loin, naturellement, ils disent pain sans levain, mangez le rôti, mangez des herbes amères. Alléluia. Alléluia. Now, when you go on down, maintenant, quand vous allez encore plus loin, in Exodus 12, dans Exode 12, he says, il dit, do this as a lasting ordinance. Faites-le comme une ordonnance perpétuelle. Always keep remembering this. Teach your children, even when you enter Israel, when you are so modern. De vous souvenir de ceci. Toujours, continuez, enseignez vos enfants. Quand vous êtes si moderne, you are such a high-tech country with the best medical system in the world. Vous êtes une contrée tellement haute au point de vue technique, avec le meilleur système médical dans le monde, the best lawyers in the world, les meilleurs avocats du monde, the best economy in the world, la meilleure économie du monde, the best scientists in the world. When you reach there, but don't forget this. Les meilleurs scientifiques du monde, quand vous arrivez là, mais n'oubliez pas ceci. He told them. Il leur dit. But this one, don't forget. Mais ceci, ne l'oubliez pas. Teach it to your children and the children's children as a lasting ordinance. Enseignez-le à vos enfants et aux enfants de vos enfants comme une ordonnance perpétuelle. Covenant between me and you. To remember the day I delivered you from slavery. Une alliance entre moi et vous pour vous souvenir du jour où je vous ai délivré de l'esclavage. At the midnight hour. À l'heure de minuit. Alléluia. Alléluia. So when you come to Israel, they call it Pesach. Alors quand vous venez en Israël, ils appellent ça Pesach. Meaning Passover. You see that? Ce qui signifie la Pâque. Vous voyez ça? In Hebrew. En Ivrit. When that Pesach is coming, what is most important is the first dinner in 7 days. Quand cette Pesach vient, qu'est-ce qui est le plus important dans ce premier dîner des 7 jours? The first dinner. Le premier dîner. Is called Seder. Ça s'appelle Seder. And the seventh dinner, the last dinner when you're breaking out now. Et le septième dîner, le dernier dîner, au moment où vous finissez. Everybody prepares for that dinner. Tout le monde se prépare pour ce dîner. Way in advance, months in advance. Vous voyez, des mois à l'avance. Because they know they don't want the midnight hour to get them wrong. Parce qu'ils savent, ils ne veulent pas que l'heure de minuit leur échappe. In that house, in the Jewish home. Dans cette maison, dans les maisons juives. Anything that ever touched yeast. Toute chose qui a jamais touché de la levure. Anything that ever touched bread with yeast. Toute chose qui a jamais touché du pain avec de la levure. You buy from the bakery, it's buffalo. Vous achetez d'une boulangerie ce pain entier. It's bread, it's a loaf with yeast, eh? C'est du pain, c'est une miche avec de la levure. You might microwave it. Vous pouvez la mettre au micro-ondes. You might cut it on the cutting board using a knife. Vous pouvez le couper sur la planche à pain utilisant un couteau. You might bake it. The Jewish woman likes baking her bread, her own bread. Vous pouvez le cuire. La femme juive fait elle-même son pain. So she uses yeast there, you know? Elle utilise de la levure aujourd'hui. Whether it's an oven she used. Que ce soit un four qu'elle utilise. Anything that ever touched yeast is thrown out to the garbage. Toute chose qui a jamais touché de la levure est jetée à la poubelle. Nobody heard me here. Personne ne m'a entendu ici. Anything that ever touched yeast in that house. Toute chose qui a jamais touché de la levure dans cette maison. Whether it's a new microwave. Que ce soit un nouveau micro-ondes. Whether it's a nice clock. Que ce soit une pendule agréable. On the wall in the kitchen. Contre la paroi de la cuisine. Whether it's in the dining room, there is a TV, a flat screen, but there they used to put bread near it there. Que ce soit une télévision à écran plat. Dans la salle à manger et ils ont l'habitude de mettre le pain là. Whether it's an oven. Que ce soit un four. Whether it's a clock, a TV in the kitchen, whatever it is. Que ce soit une horloge ou une télévision à la cuisine, quoi que ce soit. It is loaded on the pickup, thrown in the garbage dump. C'est chargé dans la camionnette et jeté à la poubelle. They really clean up their homes from yeast. Ils nettoient vraiment leur maison de toute levure. Did somebody hear me? Est-ce que quelqu'un m'entend? It stunned me. I was shocked at first. Ça m'a stupéfié. J'étais choqué au début. First time I was shocked. La première fois, j'ai été choqué. Because the garbage was full, sofa set, nearly everything that what they use, anything that touches, no? Parce que la poubelle était pleine des un set de sofa, toute chose qui a touché de la levure. It was so full that the highest business in Israel at such a time is the business of garbage collection. C'était si plein que la plus grande affaire, c'est l'affaire de la collection de poubelles. During that time, I knew that there would be no bread in the shops. Pendant ce temps, je savais qu'il n'y aura pas de pain dans les boutiques. You see that? Vous voyez ça? So that's why I was upset. C'est pourquoi j'étais un petit peu embêté. All foreigners used to be upset, you know? Chaque étranger était un petit peu ennuyé. During this time, we were difficult to find bread. Pendant ce temps, c'était difficile de trouver du pain. There is what we call matzah. C'est ce qu'on appelle du matzah. Which is bread without yeast. C'est du pain sans levain. That is the only bread being sold everywhere in Israel. Seul pain qui est vendu partout en Israël. Everyone, that bread has no taste. Tout le monde, ce pain n'avait pas de goût. That is the bread God was telling Israel to eat in Egypt. C'était ce pain que Dieu voulait qu'ils mangent quand Israël était en Égypte. He was telling them to prepare for the midnight hour. You have to eat that bread which is tasteless. Il leur disait de préparer ce pain pour l'heure de minuit, ce pain qui n'avait pas de goût. After Joseph had died, après la mort de Joseph, and slavery came now, et que l'esclavage est venu maintenant, in Goshen, à Goshen, their slave masters were very bad. Les maîtres des esclaves étaient vraiment mauvais. They built the pyramids, their backs were being whipped. Ils ont construit les pyramides, leurs dos ont été frappés. Very cruel. Très cruel. But they were going every day to that workplace because they had to earn bread, some bread for the family. Ils allaient chaque jour au travail parce qu'ils avaient besoin de gagner du pain pour leur famille. They lived their many lives and many years working for bread with yeast. Ils ont vécu leur vie. Il y a beaucoup de vie et beaucoup d'années travaillant pour du pain avec levure. When they reached home, they trembled. Quand ils arrivaient à la maison, ils tremblaient. Hey, everybody, now the family, no? The slave family, no? Tout le monde maintenant, la famille est d'esclaves, vous connaissez. You have to break a bit, give to everybody. She passed it around piece by piece. You know, they have brought food home. The slave family. On a besoin de partager un peu pour en donner à chacun. Partageons, passons autour, pièce par pièce. J'ai apporté de la nourriture à la maison, la famille d'esclaves. Vous voyez ça? But when God said, mais quand Dieu a dit that now they would not eat bread with yeast, they trembled more. Que maintenant ils ne mangeront pas de pain avec levure, ils ont tremblé encore plus. They panicked. They said, "Hey, but that one we're not used to." Ils ont paniqué. Ils ont dit, "Hey, de celui-ci nous n'avons pas l'habitude." That one is not tasty. Celui-là n'a pas de goût. They're used to taste. Ils avaient l'habitude d'avoir du goût. God told them, "Get off the yeast." Dieu leur a dit de laisser la levure. So in Israel, that's what they do. Alors en Israël, c'est ce qu'ils font. I was shocked. J'étais choqué. You find new TVs, New DVD players, new flat screen TVs. Vous trouvez des nouvelles télévisions, des nouveaux des DVD players, des écrans plats. New what? New computers, laptops, what? Thrown out. De nouveaux ordinateurs, des portables, tout est jeté. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'ils jettent tout ça? It touched yeast. Ça a touché de la levure. It ever touched yeast. Si quelque chose a jamais touché de la levure, you see that? Vous voyez ça? However expensive it is. Quel que soit le prix. The same thing the Lord is telling the church. Le Seigneur dit la même chose à l'église. Now that the midnight hour is coming. Maintenant que l'heure de minuit vient. However expensive it is. Quel qu'en soit le prix. However much your life is tied to it. Quel que soit l'attachement que vous avez à cela. You know the way pastors get tied to some woman in the church, eh? Vous savez comment quelques pasteurs s'attachent à quelques femmes dans l'église? A woman who is really shelling good money. Une femme qui bombarde l'église d'argent. He cannot even rebuke her dressing. Il ne peut même pas faire une remontrance à propos de son habillement. She's always going around with pastor. You see that, eh? Elle est toujours en train d'être autour du pasteur. Vous voyez ça? Until people are just saying, just a moment, this is not right. Jusqu'à ce que des gens disent, mais attendez un moment, et ça c'est pas juste. You go to pastor's office. Vous allez au bureau du pasteur. She's the one doing things there, no? Et c'est elle qui fait les choses ici. Pastor's wife is where now? Où est la femme du pasteur maintenant? Where is the role of the pastor's wife? Et quel est le rôle de la femme du pasteur? People have started to complain, you see that? Les gens ont commencé à se plaindre. She's the one driving pastor's car to go change oil. Celle qui conduit la voiture du pasteur qui va changer l'huile. And people say, this thing here, this thing is not the right thing. Les gens disent, ces choses ici, ça n'est pas des choses justes. But he cannot rebuke even her dressing. Il ne peut même pas faire des remontrances à propos de son habillement. Because she is shelling. Parce qu'elle donne tellement de monnaie, d'argent. Pastor says, those are the few sheep I have. Le pasteur dit, ce sont les seules brebis que j'ai. The no-no, they call it the fat sheep, eh? Ils les appellent les brebis grasses. The ones, you know, when they touch the fat, you don't feel the bones, eh? Vous savez, quand vous touchez la graisse, vous ne sentez pas les os. Touch the back of the sheep. Touchez le dos de ces brebis. They are the ones who are keeping me going. C'est celles qui m'aident à aller de l'avant. He says like that. Il dit comme ça. And yet there is a lustful relationship going on there which makes the wife uncomfortable. Et maintenant, une relation pleine de convoitise s'installe qui met l'épouse dans l'embarras. The Lord is saying, however sweet it has been. Le Seigneur est en train de dire, même si c'est très agréable, out to the garbage now. Mettez-le à la poubelle maintenant. Let the midnight not find you with that yeast. Ne laissez pas l'heure de minuit vous trouver avec cette levure. Let the midnight hour not find you that yeast. Ne laissez pas l'heure de minuit vous trouver avec cette levure. Oh, these are the main supporters of the church. Okay, if they are the supporters of the church, then let the Holy Spirit use you to purify them. Oh, c'est le meilleur support de l'église. D'accord. S'ils sont les supports de l'église, alors laisse le Saint-Esprit t'utiliser pour les purifier. So they can be holy, dress holy, walk holy, preach holy, convert them, then deliver them for Christ. Alors, ils peuvent être saints, s'habiller saintement, marcher saintement et prêcher saintement. Convertis-les, délivre-les pour Christ. If they're the ones he brought to support you. S'ils sont ceux qu'il a amenés pour te supporter. But don't let sin and yeast get an excuse of creeping around this word. Ne laisse pas le péché et la levure être une excuse pour s'accrocher à cette parole. Do you hear me? Vous m'entendez? And then pastor is now compromising his word. Ce pasteur ne compromet pas sa parole. Pastor is now, you see, a man has changed completely. Le pasteur est maintenant, vous voyez, c'est un homme qui a complètement changé. He's not the man you knew. Ça n'est pas l'homme que nous avons rencontré. Now he's talking more of other things, buying land. Maintenant, il parle plus d'autres choses, d'acheter de la terre, property, une propriété, special offering for pastor, whatever. Faire une offrande spéciale pour le pasteur et encore d'autres choses. Nini, those things now happening. Maintenant, ces choses arrivent. But that is the yeast. Ça, c'est la levure. You that preach, that's the yeast. Ce que tu prêches, c'est la levure. In Israel, en Israël, they throw, it's like close your eye and throw. You understand? C'est comme fermer vos yeux et jeter. Vous comprenez? And they begin from scratch. Et ils commencent de rien. And I used to ask, Well, now how is this? Talk to me about this thing. Et j'avais l'habitude de demander, mais qu'est-ce que c'est de parler à propos de ces choses? He says no, because you know we don't take chances. Il dit non parce que nous ne donnons pas de chance. Because anything could have touched yeast, especially in the kitchen area, just get rid of it. Parce que toutes choses dans la cuisine qui ont touché de la levure doivent être juste jetées. Even in the dining area. Vous voyez ça? Même dans la chambre à manger. Even in the place you put bread, whatever it is. Même dans la place où on met le pain, où que ce soit. But you know, we look at it positively. Mais vous savez, on regarde à ça positivement. Because it gives us a chance to build the house anew, he said. Parce que ça vous donne une chance de construire la nouvelle maison en soi, il a dit. He said, for so long I was looking at those sofas for many years, I was tired a bit. Pendant si longtemps, j'étais en train de regarder à ces sofas pendant plusieurs années. J'étais un peu là. Vous entendez ça? The church also. L'église aussi. For so long you have looked at the same countenance. Pendant si longtemps, on a regardé au même visage. The same features are in the church. Les mêmes caractéristiques dans l'église. Same conduct, same worship. You can almost come and predict what is going to happen after this worship, what the pastor is going to stand and say, what is going to, you know, yeah? Le même comportement, la même adoration. Vous pouvez presque venir et prédire ce qui va arriver après cette adoration, ce que le pasteur va dire, vous savez. But the church needs now to build anew. Maintenant, l'Église a besoin de nouvelles bases. This message is a chance for the Church of Christ to build a new house. Ce message est une chance pour l'Église de Christ de construire une nouvelle maison. Don't look at how expensive what you've thrown is. Just look at the good side of it. Ne regarde pas combien c'est cher de jeter tout ça. Regarde le bon côté de la chose. That is a chance for me to start anew. C'est une chance pour moi de commencer quelque chose de nouveau. It is a chance for the four corners of the earth. To start anew. C'est une chance pour les quatre coins de la terre de commencer quelque chose de nouveau. A new walk. Une nouvelle marche. A spiritual journey. Un voyage spirituel. Not anymore a physical journey. Que ce ne soit plus un voyage physique. Do you hear me, somebody? Vous m'écoutez? So there is a lot you can learn. Alors il y a beaucoup que vous pouvez apprendre. About the midnight hour from the Bible. À propos de l'heure de minuit de la Bible. God did not give you this Bible for fun. Dieu ne vous a pas donné cette Bible pour vous amuser. Everything from the first book of Genesis to the last book of Revelation. Tout, depuis le premier livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse. Is about the rapture. Est à propos de l'enlèvement. Like it was during the time of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. Comme c'était du temps de Noé, ce sera la même chose quand le Fils de l'homme revient. The time of Noah, the door was opened, the door was announced. Le temps de Noé, la porte était ouverte, la porte était annoncée. But on that day, it was shut. Et à ce jour, ça a été fermé. So will it be shut. Alors ça va être aussi fermé. The book of Matthew 25. L'évangile de Matthieu 25. The wise virgins. Les vierges sages. I'm talking about the door to rapture, okay? Je suis en train de parler de la porte de l'enlèvement, d'accord? Alléluia. Alléluia. At you, we are preaching rapture. Oh, nous enseignons l'enlèvement. And we're preparing the church. On prépare l'église. How can you prepare if you yourself are not prepared? Comment vous pouvez préparer si vous-même vous n'êtes pas prêt? How can you deliver when you are not yet delivered? Comment est-ce que vous pouvez délivrer si vous n'êtes pas délivré vous-même? The book of Matthew, chapter 25, precious people. L'évangile de Matthieu, chapitre 25, précieux peuple. Alléluia. Alléluia. Do you see the importance of what John the Baptist talked about? Vous voyez l'importance de ce dont Jean-Baptiste parle? Anchor your gospel. Ancrez votre évangile. Anchor your messages. Ancrez vos messages. Anchor your preaching. Ancrez votre prédication. Anchor your sermons unto the four glorious gospels. Ancrez vos sermons sur les quatre glorieux évangiles. Those are the four white horses that the Father showed me when John the Baptist was talking to me. Ce sont les quatre chevaux blancs que le Père m'a montré quand Jean-Baptiste était en train de me parler. Et maintenant, de ce point, vous pouvez naviguer dans la Bible entière. To the four ends of the earth. aux quatre coins du monde. So Matthew 25. Alors, Matthieu 25. This is what he says. C'est ce qu'il dit. He's talking about the parable of the 10 virgins, okay? Il parle à propos de la parabole des 10 vierges, d'accord? And you see very carefully what the Lord said when the midnight hour is near, verse 5. Et vous voyez très attentivement ce que le Seigneur a dit quand l'heure de minuit est proche, verset 5. He says, the bridegroom was long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Matthew 25, verse 5. You saw that? Il dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Matthieu 25, verset 5. Vous voyez ça? That is where the church is. She's in a spiritual sleep. Et ça, c'est là où l'église est. Elle est dans un sommeil spirituel. Because the spiritual clock says it's spiritually 11:59 p.m., right? Parce que l'horloge spirituelle dit que c'est 23h59, juste? But then the bridegroom comes, but look at what verse 10 says. Alors, l'époux vient. Regardez le verset 10, ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Verse 10 says, but while they were on their way to buy the oil, he's talking about the five foolish virgins, okay? Alors, le verset 10 dit, pendant qu'elles allaient en acheter, il parle à propos des cinq vierges folles. The bridegroom arrived, and the virgins who were ready went in with him to the banquet, the wedding banquet. L'époux arriva et les vierges sages qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Listen to what he says there. Écoutez ce qu'il dit ici. And the door was shut. Et la porte était fermée. The door was shut. La porte était fermée. Not one of the virgins went back and shut the door. Aucune des vierges n'est retournée pour fermer la porte. Mm-mm. Was shut by God. Elle a été fermée par Dieu. Did you see the same thing happening at the time of Noah? Vous voyez que la même chose est arrivée au temps de Noé? But what amazes me here? Mais ce qui m'étonne ici? You have the remnant church that comes out. L'église restante est sortie. 10 virgins. 10 vierges. Step out of the church. Sortent de l'église. Out of the walls of church, they go to evangelize Christ, right? Hors des quatre murs de l'église, elles vont pour évangéliser à propos de Christ. In the streets, in the markets, everywhere. Dans la rue, au marché, partout. That's the remnant church that steps out. Ça, c'est l'église restante qui est sortie. Let's say church, it can also be, you can be in the wall, but you have stepped out from the wall, right? Disons, une église, vous pouvez être dans vos murs, mais vous êtes sortis dans le monde. You can be in the four corners, four walls. But you have stepped out of the world. Vous pouvez être aux quatre coins, dans vos quatre murs, mais vous êtes sortis dans le monde. That's the separation that the virgins did, right? Ça, c'est la séparation que les vierges ont faite, juste? It's a spiritual separation, right? Une séparation spirituelle. But five of the virgins, mais cinq d'entre ces vierges, were burning some strange lamps, right? Étaient en train de brûler des lampes étranges. All the lamps go on, the 10 lamps, wise and foolish. Toutes les lampes sont allées, les 10 lampes, les sages et les folles. 5 wise, 5 foolish. 5 sages, 5 folles. Go on up to right close to the midnight. S'en sont allées juste près de minuit. But when the midnight cry is announced, mais quand le cri de minuit a été annoncé, by that one that went to talk to that family, that family is now ready to come and wed your daughter. Mais quand celle-ci est venue pour dire à cette famille que cette famille est maintenant prête à venir marier sa fille, vous voyez ça? That was the time to trim the wicks. Ça, c'était le moment de préparer la mèche de la lampe. He says, the cry rang out, then all the virgins woke up, verse 7, and trimmed their lamps. Il dit, et le cri se fit entendre, et toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. That's the time to trim the ketambi. Maintenant, c'est le temps de préparer la mèche de la lampe. The wicks. La mèche. Why is it important to trim the wicks? Pourquoi est-ce que c'est important de tailler cette mèche? Because the midnight hour is nigh. Parce que l'heure de minuit est proche. It is near. Elle est proche. The light. Les lumières. That your candle has been emitting throughout this night, que votre bougie émet dans cette nuit, have been sufficient. A été suffisante, oui. You say, your word is like a lamp unto my feet. Ta parole est comme une lampe à mes pieds, juste? Has been sufficient. A été suffisante. But when it comes the midnight hour, mais quand l'heure de minuit arrive, the darkness became thicker. Les ténèbres deviennent plus épaisses. And you enter that house and say, hey, is there no lamp here today? Et vous entrez dans cette maison et vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une lampe ici aujourd'hui? Is there no light in this house? They say, oh, there's a lamp. It's at the corner there. Est-ce qu'il n'y a pas de lumière dans cette maison? Et ils disent, mais oui, il y a une lampe dans ce coin-là. So come today, I feel as if it's just dark here. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il me semble que c'est sombre ici? The darkness of the midnight hour becomes thicker. Les ténèbres de minuit deviennent plus épaisses. And that's why there is need to trim the lamp. C'est pourquoi il y a un besoin de tailler ces lampes. Add the oil, d'additionner de l'huile. And glow the flame because faire brûler la flamme parce que you need now a stronger flame from the lamp. Vous avez besoin maintenant d'une flamme plus forte dans la lampe. Vous voyez ça? Otherwise, d'autre part, the thick darkness, les épaisses ténèbres, is aimed by the devil, est visée par le diable. It is intended by the devil, c'est une intention du diable, to undermine the lamp that you've been lighting, de saper la lampe que vous avez allumée, to undermine it so it appears as if there is no lamp, de la saper comme ça, ça apparaît comme s'il n'y avait pas de lampe. Does somebody see the church there? Est-ce que quelqu'un voit l'église ici? Her lamp cannot be seen. Sa lampe ne peut pas être vue. Nobody has stood out. Personne n'est sorti. The lamp is dim. La lampe est obscure. The lamp you are used to cannot work anymore. Les lampes que vous avez l'habitude d'utiliser ne peuvent plus marcher. That's why there is need to start anew. The Jewish people throw the sofa sets out. C'est pourquoi ça signifie de recommencer nouvellement. Les Juifs jetaient leur set de sofa. It's a spiritual start anew. C'est un spirituel nouveau commencement. Vous voyez ça? You need to trim the lamps, pour the oil that the light may be stronger. Vous avez besoin de préparer la lampe. Vous avez besoin de préparer les lampes, de mettre de l'huile pour que la lumière puisse être plus forte. Commensurate. Commensurable. Proportionate. Proportionné. Correspondingly. En conséquence. To the level of darkness in this dispensation. Au niveau des ténèbres dans cette dispensation. Vous voyez ça? This is what the Lord is saying here. C'est ce que le Seigneur dit ici. But what amazes me, mais ce qui m'étonne, is that the same deception the Lord talked about in Matthew 24, que c'est la même tromperie dont Matthieu parle dans Matthieu 24, shows up here. Que ça nous montre ici. When he says, quand il dit, the five foolish ones were told to go buy oil. Les cinq vierges folles, on leur a dit d'aller acheter de l'huile. While the wise ones poured the Holy Spirit into their salvation, pendant que les sages versaient le Saint-Esprit dans leur salut, and they lit their lamps into the wedding into eternity. Et elles ont éclairé leurs lampes dans le mariage jusque dans l'éternité. Their gown was glorified by the latter anointing. Leur robe était glorifiée par la dernière onction. The dew that Isaiah saw, that's the jar. La rosée qu'Esaïe a vue, c'était les jars. Okay. The jar of oil they carried, that's the dew. Les jars d'huile qu'elles portaient, ça c'est la rosée. They poured, transformed them into immortal spiritual bodies. Elles ont versé, ça les transforme en un immortel et spirituel corps. And they entered into the wedding of the Lamb. Et elles entrent aux noces de l'agneau. That's the dew that I want to talk about. Ça c'est la rosée à propos de laquelle j'ai voulu vous parler. But what's amazing to me, mais ce qui m'étonne, that the foolish virgins were told, c'est qu'on avait dit aux vierges folles to go buy some oil, d'aller acheter de l'huile. And they surely went. Et elles sont certainement allées. That tells us that they were burning a different oil. Ça vous dit qu'elles étaient en train de brûler une huile différente. They could even go to the same shops and look for it. Elles peuvent même aller dans la même boutique et regarder pour ça. Who can buy the anointing of the Holy Spirit? Qui peut acheter l'onction du Saint-Esprit? But today you see the church is selling it on TV. Mais aujourd'hui, l'église la vend à la télévision, juste? They're selling small bottles of anointing, yeah? Ils vendent des petites bouteilles d'onction, juste? Or a small handkerchief, I'm told, if you buy it, cover yourself, anointing will cover you. Ou bien des petits mouchoirs. Et ils disent que si vous les achetez, vous allez être couvert. Vous allez être couvert de l'onction. They're selling the Holy Spirit. Ils sont en train de vendre le Saint-Esprit. If you send me a gift, a love gift of what, I've prepared so many bottles, small bottles of anointing oil to give you. Si vous m'envoyez un présent, un cadeau d'amour ou quoi que ce soit, j'ai préparé tellement de bouteilles, petites bouteilles d'huile d'onction pour vous les donner. People can go there buy. Les gens peuvent aller là-bas et acheter. Depending on your money, you can buy the size of the bottle. Tout dépend de votre argent. Tout dépend la taille de la bouteille. They went to buy. Ils sont allés pour acheter. And that raises the question of the fact that when the 10 lamps were lighting. Et ceci soulève la question du fait que quand les 10 lampes étaient allumées, surely there must have been confusion to the sheep. Certainement, il devait y avoir de la confusion parmi les brebis, juste. To know which is really the genuine lamp. Pour savoir quelle était réellement la lampe authentique. Which is the Holy Spirit and which is coming from the enemy. Lesquels viennent du Saint-Esprit, lesquels viennent de l'ennemi. The false tongues were here. Les langues fausses étaient là. As the Holy Spirit was giving true tongues. Comme le Saint-Esprit était en train de donner deux langues. The false prophecies were here. Les fausses prophéties étaient là. As the Holy Spirit was speaking true prophecy on the rapture, the repentance, the holiness of God. Comme le Saint-Esprit était en train de parler de vraies prophéties à propos de l'enlèvement, de la repentance, sainteté de Dieu. Il y a un mélange dans l'Église. Deception that the Lord talked about in Matthew 24. De la déception à propos de laquelle le Seigneur parle dans Matthieu 24. Be careful. Attention. At that time, many will come to deceive you. En ce temps, beaucoup vont venir pour vous séduire. Make sure you're not deceived. Soyez sûr que vous ne soyez pas séduits. Falsehood. Mensonge. The biggest sin of the Antichrist is what? La plus grande chose de l'Antichrist, c'est quoi? Deception. Deception. He will come to lie to them. Il va venir pour leur mentir. That he is he that comes from the Lord. Que c'est lui qui vient de la part du Seigneur. That they may worship him like they have worshipped Christ. Que ils doivent l'adorer comme ils adorent Christ. That is preparing the way. Ça c'est préparer le chemin. During the beginning of birth pains. Pendant le début des douleurs de l'enfantement. Into the biggest dispensation. Dans la plus grande dispensation. Of deception. De la déception. Which is tribulation. C'est la tribulation. And that's what you see God is talking about here. Et c'est ce que vous voyez dont Dieu parle ici. But what's amazing to me, mais ce qui m'étonne, is that the door, c'est que la porte, you need the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit to enter through this door. Vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit pour entrer dans cette porte. And the door is shut. That is the rapture door I'm talking about today. Et la porte est fermée. C'est la porte de l'enlèvement dont je suis en train de parler aujourd'hui. Make sure when it is shut, you are on the other side, the inside of heaven side. Soyez sûr que quand ce sera fermé, vous soyez du bon côté, de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. And in the same Matthew 25, verse 41, right? Et c'est la même chose dans Matthieu 25, le verset 41. He says, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cast into eternal fire, prepared for the devil and his angels. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. And I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. You close the door. Il fermera la porte. The door will shut. La porte sera fermée. To tell you the truth, I don't know you. Pour vous dire la vérité, je ne vous connais pas. So the Lord is telling the church. Alors, le Seigneur est en train de dire à l'église that this is the moment to enter. C'est le moment pour entrer. You can spiritually enter, which means prepare. Vous pouvez entrer spirituellement, ce qui signifie se préparer. Like the time of Noah. Comme du temps de Noé. All Noah ever wanted them to do is to repent and prepare, be ready. Tout ce que Noé désirait qu'il fasse, c'est de se repentir, de se préparer et d'être prêt. Because it might happen anytime. Parce que ça peut arriver à tout moment. And when the floods came, et quand le déluge est arrivé, Noah entered the ark. Noé est entré dans l'arche. And all of them were, oh, please help us. No, please. This is what. Don't you remember me? Remember me, please. I'm the one that. Do you remember your neighbor? They would say anything at that door. Et tous étaient, oh, s'il te plaît, aide-moi. Non, s'il te plaît. C'est quoi ça? Ne te souviens-tu pas, moi, s'il te plaît? Je suis celui qui. Te souviens-tu? Je suis ton voisin. Vous direz n'importe quoi à cette porte. When the tribulation comes. Quand la tribulation vient. You see that? Vous voyez ça? But the door will be shut. Mais la porte sera fermée. And the Lord will totally not open the door. Et le Seigneur veut totalement pas ouvrir la porte. You completely refuse to open the door. Il va complètement refuser d'ouvrir la porte. Because the door has been open long enough. Parce que la porte a été ouverte assez longtemps. You understand? Vous comprenez? It has been open. Elle a été ouverte. But he will not accept that they enter. Mais il n'acceptera pas qu'ils entrent. Because it has been open. Parce que ça a été ouvert. All he ever wanted them to do is repent and be ready. Tout ce qu'il n'a jamais voulu, c'est qu'ils se repentent et soient prêts. Because you don't know the time. Parce que vous ne savez pas quand. You don't know when he comes in. Vous ne savez pas quand il vient. It's very important for the church. C'est très important pour l'église. Not to wait for the rapture, but to get ready today. De ne pas attendre pour l'enlèvement, mais d'être prêt aujourd'hui. You see that? Vous voyez ça? Because the rapture happens in a twinkling of an eye. Parce que l'enlèvement arrive en un clin d'œil. Which means it's essentially the closing of the door. Ça signifie essentiellement la fermeture de la porte. It's very critical that you get these precious people. C'est très important que vous saisissiez ça, précieux peuple. Don't miss out on the rapture. Ne manquez pas l'enlèvement. Don't wait for the rapture. N'attendez pas pour l'enlèvement. Just prepare now. Juste préparez-vous maintenant. So when it happens, anytime, you are ready. Alors, quand ça arrive, à n'importe quand, vous êtes prêt. Especially that you are carrying this message. Spécialement que vous portez ce message. You've chosen, you want to carry this message. Vous avez choisi, vous désirez porter ce message. You want the church to be purified. Vous désirez que l'église soit purifiée. You want the church to see the kingdom of God. Vous désirez que l'église voie le royaume de Dieu. But the question is, how about you? Mais la question est, qu'est-ce qu'il en est de vous? However expensive it is. Quel qu'en soit le prix. However precious it is. Combien que ce soit précieux. However addicted you are to it. Combien vous êtes adonné à ceci. For as long as it constitutes yeast. Aussi longtemps que ça constitue de la levure. Out to the garbage at this moment. Loin à la poubelle à ce moment. You still have a moment to start anew. Vous avez encore un moment pour commencer de nouveau. À nouveau. You will not have that moment again. Vous n'aurez pas encore une fois ce moment. And time has run out. Le temps est fini. And that's what the Lord is saying concerning the rapture door. C'est ce que le Seigneur est en train de dire concernant la porte de l'enlèvement. That the church may prepare. C'est que l'Église doit se préparer. All of you, tous ceux d'entre vous, regardless of nation, we are all the same in his eyes. Sans regarder les nations, nous sommes tous les mêmes. À ses yeux. That all may enter through this door. Que tous peuvent entrer par cette porte. Before he shuts the door. Avant qu'il ferme la porte. It is a very sad thing. C'est une chose très triste. For the door to shut on you. Que la porte se ferme sur vous. Make sure it does not shut on you. Soyez sûr que ça ne se ferme pas sur vous. And remember. Et souvenez-vous. The floods went on for some time, and Noah and his team were in the safety of the ark. Le déluge est venu pour un certain temps et Noé et sa famille étaient en sécurité dans l'arche. After a while, the boat came to Mount Ararat. Et après, le bateau est venu au mont Ararat. And then it anchored there. Et ensuite, il s'est ancré là. And then they came out. Et ensuite, ils sont sortis. The dove came out. La colombe est sortie. And then talk about the dispensation of the Holy Spirit. Et ensuite, parlant à propos de la dispensation du Saint-Esprit. And then Noah picked some clean animals. Et ensuite, Noé a pris quelques animaux purs. And the covenant was arrayed by God. Et l'alliance était disposée par Dieu. After the sweet fragrance reached him. You see that? Après que le doux parfum lui soit parvenu. That talks about the dispensation of the Holy Spirit when Jesus will come in the second coming. Ça parle à propos de la dispensation du Saint-Esprit quand Jésus vient pour la seconde fois. During all this time, the door of Noah is the door that Isaiah saw. Pendant tout ce temps, la porte de Noé est la porte que Ésaïe a vue. That is the door God showed me in that heaven. Ça c'est la porte que Dieu m'a montrée dans ses cieux. That opened. And it's open until today. C'est ouvert et c'est encore ouvert jusqu'à aujourd'hui. That is the door that opened at the mountain of transfiguration. Ça, c'est la porte qui s'est ouverte à la montagne de la transfiguration. And then raptured the two. Et ensuite, les deux ont été enlevés. That door is open today. Cette porte est ouverte aujourd'hui. And Isaiah said, for a little while. Et Ésaïe a dit, pour un petit moment. Enter into your room and shut the door behind you. For a little while until his wrath has passed by. Entre dans ta chambre pour un temps jusqu'à ce que son courroux soit passé. When Jesus comes, the enemy is bound for 1,000 years. Quand Jésus vient, l'ennemi est lié pour 1,000 ans. The dispensation of the Holy Spirit. La dispensation du Saint-Esprit. The reign of the Dios, the kingdom of God will reign. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu va régner. He will rule with an iron scepter. Il va les conduire avec un sceptre de fer. When he says homosexuality is sin, it will be sin. Period. Quand il dit que l'homosexualité est péché, ça va être péché. Période. Nobody will go to court. Personne n'ira au tribunal. When he says lying is sin, it will be sin. Period. Quand il dit que mentir c'est péché, ça va être du péché, période. Nobody will argue. Personne essaiera d'argumenter. For 1,000 years of peace. 1,000 ans de paix. Which means there will be a good fragrance. Qui signifie qu'il y aura un bon parfum. A powerful fragrance that Ezekiel saw. Un parfum puissant qu'Ézéchiel a vu. He said only the prince can now stand at the door. Il a dit seul le prince peut maintenant se tenir à la porte. When that eastern gate will open. Quand cette porte de l'est sera ouverte. And then he will eat at that door. Et ensuite, il veut manger à cette porte. And then he will offer sacrifices unto our God. Et ensuite, il veut offrir des sacrifices à notre Dieu. In the temple. Dans le temple. So that a little while that Isaiah talked about is the 7 years. Alors, ça, c'est 7 ans. Dont Ésaïe est en train de parler, ce petit moment, c'est 7 ans. The 7 years of tribulation. Les 7 ans de tribulation. 3.5 tribulation. 3.5 de tribulation. 3.5 of great tribulation. 3.5 de grande tribulation. For a little while and then the door opens again. Pour un petit moment et ensuite la porte s'ouvre de nouveau. When the boat anchored at Mount Ararat. Quand le bateau s'est ancré. Au mont Arara, the door opened again. La porte s'est ouverte de nouveau. When the tribulation passed, quand la tribulation est passée, the door opened, Christ is coming to Jerusalem. La porte est ouverte et Jésus vient à Jérusalem. The door opens again. La porte s'ouvre de nouveau. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. That you may enter through that door. Que vous puissiez entrer par cette porte. Before it shuts. Avant qu'elle se ferme. Shalom. Shalom.